Jésus, donne-moi la main. Soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Jésus, donne-moi la main. Yahweh toto nanga bolenge, nalingi na salela yo masia, simbangai makasie, soko teke ngana kokwe ya nzambe. Soutiens-moi Jésus, Yesu pile na wanga, soutiens-moi Jésus, donne-moi la main. Ropanga na luka kajule, Telinga problème awa sukyo zangi papier Pasi na pasi ngunda ewe Jésus Yonde avokana nga Soutiens-moi Jésus Donne-moi la main Mikole komi kopusana Nakomi peko koma mobange Yondo pesaka mabala Nabele lingambe nestere sala Soutiens-moi Jésus Pesanga mosengi na nga Jésus, donne-moi la main. Tango anale la kina tempelo, pesa ki esa mwele, sunga pe ba sterile, ba e ba bota kate ba bota nzambe. Soutiens-moi Jésus, yonde mo pesa ya bana. Soutiens-moi Jésus. Nambe oya sunga ki Josué na etumba ya Gabaon na beleli o masia e ndela ngai na bitumba molimo moi Jésus ngai na yonga Jésus donne-moi la main motema na ngetonda boboto na lingi na salisa bande ko fami na ko pesa nini yondo pesa ka bambongo Yesu Soutiens-moi Jésus Osungia